Alors, donc l'examen clinique pendant la crise était riche, c'est très simple, on peut mettre en évidence donc beaucoup de facteurs, mais en dehors des crises, l'examen est bon. La mesure du DEP, on avait parlé de la variation circadienne, il faudra mettre en évidence, vous avez vu, donc cette variation généralement chez l'asthmatique est supérieure à 10%. L'aspirométrie va mettre, donc ça c'est une sorte de volume qui montre, c'est une courbe creusée, qui montre le TVO, qui est réversible dans ce cas-là, puisqu'on a un gain. 12% et plus et de 200 ml en valeur absolue par rapport à la valeur initiale pour bronchodilatateur de courte durée d'action. Alors, quels sont les autres examens pratiqués? Donc, dans le cas du diagnostic, bien sûr, une radiographie thoracique pour faire le diagnostic différentiel. Parce que tout le thorax ici, dans toute discipline, il ne faut pas dire que c'est de l'asthme, il faut faire le diagnostic différentiel. Et généralement, la radiographie n'est faite que lors de la première consultation. Lors du suivi au moment des crises, il n'y a pas d'indication à faire la radio, sauf si vous retrouvez avec un physique un syndrome d'épanchement pleural, un syndrome de compensation, donc quelque chose qui justifie, bien sûr, la radiographie. Le bilan allergologique en cas d'existence donc de suspicion de l'asthme allergique. Alors, en résumé, quelles sont les étapes clés du diagnostic? Le diagnostic selon le gynécologue de l'asthme se fait en deux étapes. La première, c'est les caractéristiques des symptômes, donc vous allez rechercher, quatre symptômes cardinaux, leur fréquence, leur intensité, leur ancienneté et les circonstances dans lesquelles ils surviennent. À ce stade, le diagnostic repose sur les perceptions du patient et l'interprétation du médecin. Le patient vous les décrit et vous allez les interpréter. En cas de présomption à partir des critères cliniques, les critères fonctionnels qui sont l'élément objectif que vous devez mettre en évidence dans le cas, lors de la prise en charge, seront évalués au cours de l'exploration fonctionnelle respiratoire, donc TVO avec réversibilité, recherche d'hyperactivité, ou tout simplement recherchant la réversibilité circadienne et les tests de réversibilité aux deux fois. Voilà. Donc, les symptômes, on les a, et variation de la fonction respiratoire, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rechercher la réversibilité immédiate du bronchodilatateur, la variabilité quotidienne est supérieure à 10% chez l'asthmatique, ou bien le test de réversibilité aux anti-inflammatoires. Deuxième point, après avoir posé un diagnostic, il faudra argumenter l'attitude thérapeutique pour décider du traitement. Alors, comment est-ce qu'on va argumenter l'attitude thérapeutique? Le traitement, c'est bien sûr le traitement de fond, puisque c'est la phase à l'état stable. Alors, il faut savoir que le traitement de fond actuellement est bien codifié, on n'a qu'à suivre, il est bien codifié, il doit être parfaitement adapté au profil évolutif de la maladie, on ne va pas traiter tous les asthmatiques de la même façon. Il doit répondre à certains principes et objectifs, c'est normal, si c'est le traitement qu'on va donner au cours, il faudra le modifier chaque fois que nécessaire. On ne fera pas de renouvellement d'ordonnance, c'est un traitement qu'on sera appelé à renouveler quotidiennement. Alors, quels sont les principes du traitement? La molécule est choisie en fonction de la physiopathologie du groupe traité. Alors, si vous voulez traiter la bronchoconstriction, vous allez donner un bronchodilatateur, c'est normal. Si vous voulez traiter l'inflammation, c'est les corticoïdes. La présentation est choisie. Donc c'est un traitement qui est donné par voie inhalée, c'est-à-dire que vous allez utiliser un dispositif d'inhalation. Donc le dispositif d'inhalation est très important à connaître, parce que si le patient ne sait pas utiliser, si vous ne donnez pas le bon dispositif, et si le patient ne sait pas utiliser le dispositif, le traitement n'arrivera pas. Ça c'est très important. C'est un traitement qu'on va donner par voie inhalée. Alors, la présentation du dispositif est choisie en fonction du malade et de la situation, préférence du patient, et l'observance et le goût. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, les différents dispositifs qui existent, donc on en a plusieurs. Alors, vous avez le spray, le classique spray, pour le sondeur. Vous avez le turbulent à l'air, vous avez le discus, vous avez pas mal, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de tous ces dispositifs, mais l'aérosondeur est aussi fréquent, c'est le premier qui est apparu. Il a des avantages, il a des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il ne coûte pas cher. Et les inconvénients, c'est que sa technique d'utilisation est difficile. Pourquoi? Parce que pour l'utiliser, on a besoin de coordonner la main et la bouche. Donc, vous devez faire une très bonne éducation du patient pour qu'il sache bien utiliser son aérosondeur. Mais il a l'inconvénient d'être pas cher. Donc, il serait intéressant, ce dispositif-là, qui a besoin d'une technique particulière, de le prescrire chez les patients qui comprennent. Donc, à qui on peut faire une éducation qui semble réceptive au message. Et il serait intéressant aussi c'est peut-être essentiel aussi, de le prescrire chez les patients à faible revenu, parce que le revenu intervient. Ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont chômeurs, etc., on leur prescrit un dispositif moins cher. Par contre, les autres dispositifs, le discus, le turbulent à l'air, le rendu à l'air, etc., qui sont améliorés dans la technique, mais fabrication main bouche, et mais ils coûtent plus cher. Donc, ceux-là sont intéressants à prescrire chez les patients qui n'arrivent pas à coordonner. C'est pour ça que je vous dis que la présentation est, doit être choisie en fonction du malade et de la situation du patient. Il faut privilégier pour le traitement de foie les formes vitales, bien sûr, adapter le traitement de foie par palier, on verra après comment, reconsidérer le traitement tous les 3 mois. C'est un traitement qu'on doit reconsidérer tous les 3 mois. Réévaluer régulièrement l'efficacité clinique et l'évolution parlementaire. En cas d'échec, avant de mettre en route une corticothérapie en voie générale, il faudra vérifier l'observance et la prise correcte de thérapie finale. Supprimer les facteurs d'aggravation. Ça ne sert à rien de donner un médicament si vous ne supprimez pas le facteur d'aggravation. Et faire ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique lorsque le contrôle est obtenu. Alors, avant, pour mettre en place un traitement, on établissait la sévérité de l'asthme, donc selon des signes cliniques et fonctionnels. Dernier GINA en 2010. Et maintenant, on les utilise pas la peine de prendre en photo, parce que ce n'est pas ce qui est utilisé actuellement, ce n'est pas ce qui est recommandé. Et en fonction de ces différents stades, donc les stades intermittents et persistants avec 3 niveaux, on donne les médicaments, donc en fonction des différents stades. Là aussi, c'est abandonné, oubliez ça, c'est plus utilisé, alors on prend en photo aussi. Alors maintenant, pour parler de sévérité de l'asthme, on n'a pas besoin de connaître l'ancienne classification. On va dire que l'asthme est sévère s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas contrôlé par un traitement lourd, s'il est contrôlé par un traitement lourd ou non contrôlé par un traitement lourd. Ce qu'on appelle les asthmes instables. Et qu'un asthme est léger s'il est contrôlé par un traitement léger. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est préconisé en première intention? Qu'est-ce qu'on doit donc, après avoir posé le diagnostic, quel est le traitement que vous devez donner en première intention, la toute première fois? Alors, voici les recommandations du GINA. Alors, il y a 3 recommandations. La première, vous devez donner une faible dose régulière de corticostéroïdes une année recommandée chez les patients qui présentent des symptômes d'asthme plus de 2 fois par mois, un réveil dû à l'asthme plus de 1 fois par mois, des symptômes d'asthme plus des facteurs d'exacerbation. Donc, vous avez 3 situations différentes. Dans ces 3 situations, il est recommandé de donner des corticostéroïdes inhalés à faible dose. Traitement donc, de stade plus élevé, c'est-à-dire corticostéroïdes dose moyenne élevée ou bien corticostéroïdes inhalés à faible dose plus bronchodilatateur longue durée d'action. Alors, devant des symptômes asthmatiques du patient gênants, la plupart du temps, ou si l'asthme réveille le patient une ou plusieurs fois par semaine, donc plus qu'ici, ou s'il existe d'importants facteurs de risque d'exacerbation. Troisième situation, on donne un traitement de corticostéroïdes oraux, donc en cure courte, plus un traitement de vent, si la forme inaugurale, si on avait vu pour la première fois le patient, situation aiguë, c'est-à-dire l'asthme était mal contrôlé ou bien c'était une crise aiguë, on est dans le droit de donner corticostéroïdes par voie générale. Donc, troisième point, comment planifier le suivi du patient asthmatique? On a posé le diagnostic, on a donné les principes, on a argumenté l'attitude thérapeutique, comment est-ce qu'on va donner? Maintenant, comment planifier, comment mettre en place ces différents traitements? Alors, il faut savoir que la prise en charge au cours de l'asthmatique, la prise en charge est cyclique. Alors, on doit d'abord évaluer. L'évaluation permet de poser le diagnostic, de mettre le contrôle des symptômes, d'identifier les facteurs de risque, d'apprendre au patient les techniques d'inhalation et de voir les préférences du patient. Et après, on prescrit des médicaments. Alors, et puis, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi les stratégies non-pharmacologiques et le traitement des facteurs de risque évitables. Par la suite, il faudra réévaluer tout ça, ce qu'on appelle l'analyse des symptômes. Il faudra analyser les symptômes, rechercher les exacerbations, rechercher les effets secondaires, la satisfaction du patient, et toujours vérifier tout ça par une fonction respiratoire qui reste l'élément important. Alors, pour assurer le suivi au long cours, donc avant de commencer, on avait dit qu'il fallait enregistrer, si possible, les arguments qui sont il faut mettre les arguments du diagnostic, il faut documenter le contrôle des symptômes et des facteurs de risque, il faut mettre le contrôle au début et identifier tous les facteurs de risque, évaluer la fonction respiratoire, apprenez au patient à utiliser correctement les inhalateurs et vérifier sa technique. Donc ça ne suffit pas d'expliquer au patient, de lui montrer le dispositif, de lui expliquer comment l'utiliser. Il faudra aussi voir faire l'utilisation du dispositif. C'est-à-dire on explique et après on donne au patient et on voit comment il fait. Très important. Et programmer une visite de suivi, on avait dit que le suivi se faisait donc tous les 3 mois, c'était un changement de palier tous les 3 mois. Après avoir commencé le traitement de fond, comment est-ce qu'on va suivre donc, le patient? Il faudra évaluer la réponse au bout de 2-3 mois selon l'urgence, procéder à un âge. simplement un défaut d'utilisation. Vous lui avez prescrit un traitement, mais il l'utilise, mais il ne sait pas l'utiliser. Donc, commencez par regarder le patient utiliser son ordinateur. Parlez-lui de l'observance. Est-ce qu'il est observant? Vérifiez son observance. Du traitement et des obstacles d'utilisation. Confirmez le diagnostic parce que dans certains cas, on sera appelé à mettre en cause le diagnostic, surtout quand on ne prend pas le patient. Éliminez les facteurs de risque potentiels, bien sûr. Si vous donnez le meilleur des traitements et que le patient le prenne bien et que vous n'avez pas éliminé les facteurs de risque, par exemple un tabagisme, plusieurs facteurs qu'on a identifiés, ça, donc, l'évolution sera plus importante, le patient ne va pas répondre aux traitements que vous avez prescrits. Évaluer et traiter les comorbidités, surtout le reflux gastro-œsophagien, envisager une augmentation. Après avoir fait tout ça, vous pouvez envisager une augmentation progressive du traitement très rapidement et adresser le patient à un spécialiste du fond de traitement en cas d'asthme sévère. Dans l'asthme sévère, c'est des spécialistes qui doivent intervenir. Alors, comment est-ce que je vais faire le réajustement thérapeutique? Donc, le GINA préconise le réajustement selon le tableau. Donc, vous avez vu qu'il y a 7 paliers et les différents paliers correspondent au traitement de fond que prend le patient. Donc, le palier 1, il n'y a pas de traitement de fond, ou bien corticostéroïdes, donc il n'y a pas de traitement de fond. Le palier 2, c'est corticostéroïdes faible dose, ou bien les deux autres options. Le palier 3, c'est corticostéroïdes faible dose, plus méthadone lors de rédaction, plus trois autres options. Et le palier 4, c'est corticostéroïdes dose moyenne ou élevée, plus méthadone lors de rédaction et les deux autres. Le palier 5 correspond aux anti-IgE, aux corticoïdes par voie générale. Alors, donc, comment est-ce qu'on va mettre, on va faire notre réajustement? Donc, on fera notre réajustement en fonction du niveau de traitement que prend le patient. Alors, si vous avez, je vais vous donner un exemple, un patient en face de vous, vous lui faites le score du contrôle, et vous retrouvez qu'il n'est pas contre, s'il n'est pas contre vous. Comment vous devez changer? Donc, vous devez augmenter. Donc, votre flèche va aller dans ce sens. Et augmenter de quel palier à quel palier, il faudra le situer par rapport au traitement qu'il prend. Si votre patient est sous corticostéroïdes inhalés faible dose, ça veut dire qu'il est au palier 2. Donc, pour réajuster votre traitement, vous devez passer au palier 3. Vous allez lui prescrire, et là, vous avez le choix entre 4 propositions. Alors, le GINA préconise de prendre la proposition qui est assurée. Donc, on recommande de mettre le malade sous corticostéroïdes faible dose plus bronchodilatateur longue durée d'action. Mais si jamais ce n'est pas disponible pour différentes causes, vous pouvez donc prendre une des 3 propositions suivantes. Est-ce que c'est clair pour tous, s'il vous plaît? Parce que le réajustement est l'étape essentielle dans la prise en charge thérapeutique et suivi du patient asthmatique. Dans le cas inverse, on avait dit qu'il y avait possibilité d'escalader ou de faire une désescalade. Si le patient est bien, donc après le contrôle de 3 mois, on fait le niveau de contrôle. Si on va plus les contrôler, l'aspect contrôlé, on revient en arrière, donc on va réduire la même chose. Tout dépend du traitement qu'il prend. On va le situer dans un des paliers et on reviendra au palier au-dessus. Alors, en cas d'exacerbation, sachez qu'en cas de crise ou d'exacerbation, il faut d'emblée changer le traitement de fond, parce que c'est un facteur aggravant. Alors, si l'asthme est bien contrôlé, il faut rechercher le traitement minimal efficace. La durée des paliers thérapeutiques, donc au cours de la décroissance, le traitement doit être de 3 mois, c'est une sécurité qu'on se donne. Il faudra diminuer les doses des corticoïdes inhalées par palier, c'est-à-dire de 27 à 50%, on ne diminue pas de façon progressive. Et chez le patient asthmatique traité par corticoïdes orales au long cours, la dose de corticoïdes oraux doit être diminuée très progressivement sous corticoïdes inhalés. C'est-à-dire qu'on va chevaucher les deux, on va diminuer les corticoïdes par voie générale par palier, donc 25-50%, et chevaucher en même temps le traitement inhalé, corticoïdes inhalés à forte dose. Bon, alors pour comprendre, donc d'une façon générale, on a vu la prise en charge de façon générale, maintenant on va parler des domaines essentiels de cette prise en charge. Il y a 3 domaines essentiels, les piliers de la prise en charge. Alors, vous avez les médicaments, vous avez le contrôle de l'environnement et vous avez l'éducation du patient asthmatique. Les médicaments, tout le monde connaît les médicaments de l'asthme. Donc, on a les anti-inflammatoires et les bronchodilatateurs. Les anti-inflammatoires sont représentés, inhalés, sont représentés essentiellement par les corticoïdes. On a d'autres anti-inflammatoires qui sont les promones et les antileucotriènes qui ont un effet anti-inflammatoire moindre que les corticoïdes. Les bronchodilatateurs, vous avez 2 familles. Vous avez les bronchodilatateurs à action rapide qui traitent la crise et les symptômes aigus. Et vous avez les bronchodilatateurs de longue durée d'action qui ont une place dans le traitement de fond, bien sûr, comme traitement additionnel. Alors, les corticoïdes inhalés, vous avez vu qu'on avait parlé de dose faible, dose moyenne et dose forte. Vous avez donc trois corticoïdes inhalés disponibles en Algérie. Vous avez la béclométasone, le budesonide et la fluticasone, avec les différentes doses équivalentes, donc dose faible, dose moyenne et dose forte. Les autres anti-inflammatoires, donc on avait dit les, comment il n'existe plus, les antidépresseurs. Pour les bronchodilatateurs, on a les bronchodilatateurs de courte durée d'action, essentiellement le salbutamol et le terbutaline. Et les anticholinergiques de courte durée d'action peuvent avoir une place dans le traitement d'urgence de l'asthme en traitement additionnel de deuxième intention. C'est essentiel qu'il y ait un effet bronchodilatateur moins que les bêta 2. C'est le bromure dipratropion, indiqué dans l'asthme plus grave. Les bronchodilatateurs de longue durée d'action donc, ne constituent pas un traitement de la crise, malgré les dernières recommandations du GINA, qui le mettent. Donc pour le moment, on essaie de ne pas le mettre dans le traitement de la crise, malgré les dernières recommandations du GINA, donc préconise de l'utiliser en gestion, dans la gestion des symptômes. Et la théophylline pourrait aussi avoir une petite place dans le traitement additionnel, vraiment en dernière place. Et pour la théophylline, n'oubliez pas donc, la problématique liée à la théophylline, en conservant la marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire la dose efficace et la dose toxique sont très proches. Deuxième pilier domaine de la prise en charge, c'est le contrôle de l'environnement. Donc, vous ne pouvez pas faire une bonne prise en charge en dissociant les trois. Alors, vous ne pouvez pas faire une bonne prise en charge si vous ne donnez que des médicaments, sans faire le contrôle de l'environnement, sans faire l'éducation. La même chose. Vous ne pouvez pas faire une bonne prise en charge si vous ne donnez pas les bons médicaments et que vous faites le contrôle et l'éducation. Donc les trois sont liés, s'il vous plaît, lors de la prise en charge, vous devez faire les trois, c'est les piliers de la prise en charge. Alors le contrôle de l'environnement constitue à identifier la présence d'allergènes dans l'environnement du patient et bien sûr à préconiser l'éviction, à identifier les situations asthmogènes, c'est-à-dire à déterminer, à identifier les facteurs déclenchants afin d'adopter une attitude de prévention, à agir sur l'environnement pour réduire les risques liés à l'exposition tabagique passive, le tabac passif qui est un facteur aggravant, et à adapter les activités quotidiennes en fonction des variations météorologiques et des pics de pollution. Il y a certains asthmatiques qui ne supportent pas, par exemple, le vent, qui ne supportent pas le froid ou les grandes chaleurs, c'est lié à l'atmosphère. Alors, dans ces cas-là, on leur préconise de réduire leur activité, de ne pas faire de sport, etc., dans ces situations-là, et de ne pas sortir dans la mesure du possible, bien sûr. Le troisième point, le troisième pilier de la prise en charge, est l'éducation donc, de l'asthmatique, qui est un pilier fondamental de la prise en charge. L'éducation est possible grâce à l'établissement d'un partenariat avec le malade. Alors, c'est quoi le partenariat? Le partenariat se résume à trois points. D'abord, à être à son écoute. La première étape, c'est écouter le patient. D'ailleurs, c'est à partir de l'interrogatoire qu'on va essayer de déterminer, de faire un diagnostic clinique, de déterminer les différents symptômes et leurs caractéristiques de l'asthme. En l'informant sur sa maladie. Deuxième point, vous allez l'informer. Donc, la toute première fois, vous allez l'écouter. Et bien sûr, interrogatoire dirigé, orienté. La deuxième étape, vous allez donc l'informer sur sa maladie, dans un langage simple, sur sa maladie, sur le traitement. Donc, faire la différence entre le traitement d'urgence et le traitement d'urgence, sur les médicaments que vous allez lui donner, sur les techniques, etc. Vous allez donc l'aider à acquérir. Et en dernier, vous allez l'aider à acquérir les compétences. Ça, c'est important. Alors, en quoi consiste cette acquisition des compétences? Donc, d'abord, les premières compétences qu'on doit faire acquérir aux patients asthmatiques, concerne la connaissance de la maladie. On doit l'aider à comprendre sa maladie. On lui parle dans un langage simple, très simplifié, de sa maladie. Surtout faire la part des choses entre les deux. Situation d'urgence et traitement de fond. Et surtout l'inciter, lui expliquer la nécessité d'un traitement de fond. Parce que beaucoup de patients asthmatiques ne prennent pas le traitement de fond. Une fois qu'ils se sentent bien dans la phase interclinique, ils peuvent se sentir bien. Mais bien, il n'a plus qu'à s'exprimer très bien. Donc, il ne faut pas la nécessité de prendre toujours des médicaments. Identifier les facteurs d'exacerbation, très important. Connaître les moyens de prévention des crises, bien sûr. Connaître les signes de gravité de crise, c'est-à-dire l'asthme le plus grave. On avait vu au début que l'asthme avait la mortalité attribuée à l'asthme reste élevée, surtout chez le sujet jeune. Et cette mortalité est d'une partie liée à la situation d'urgence, notamment l'asthme le plus grave. Donc le médecin doit donner, de façon très simple, les caractéristiques de l'asthme le plus grave. Il y a des crises qui n'ont pas droit, des crises inhabituelles, des signes de gravité, des troubles de la conscience, la mauvaise réponse au bêta 2, bronchodilatateur de courte durée d'action, l'apparition de cyanose, d'hypersudation, etc. C'est le médecin qui explique tout ça à son patient. Et il doit l'inciter à consulter en urgence dans ces cas-là. Connaître le traitement de la crise et le traitement de fond, car la part des choses entre les deux. Deuxième niveau, la connaissance technique. On doit encourager nos malades à avoir un débitmètre, très important. Vous allez voir après pourquoi c'est important d'avoir le débitmètre à la maison. Ça permet de mesurer la variation circadienne ou la variation du nom du DLP qui est la première à être perturbée dans la maladie asthmatique. On doit l'aider à maîtriser les techniques d'inhalation. Donc, vous devez lui apprendre, selon le dispositif d'inhalation que vous avez prescrit, la technique d'utilisation. Très important. Savoir utiliser un débitmètre et calculer la variation circadienne du DLP. Et troisième niveau de connaissance, c'est l'aider à reconnaître les symptômes qui doivent l'inciter à consulter en urgence, notamment les symptômes liés à l'asthme grave, agir sur son environnement pour réduire le risque lié à l'exposition aux allergènes, au tabagisme et à la pollution, être capable d'exprimer et de partager le vécu de sa maladie, c'est très important. Parce que beaucoup de malades, notamment les bronchopathes et les asthmatiques, ils finissent à la longue, au fil du temps, à s'adapter à leur handicap. Ils ont tout le temps des symptômes, surtout quand ils sont chroniques, ils ont tout le temps une boule, une dyspnée, etc. Ils finissent par négliger ces symptômes. Quand ils font une exacerbation, ils ne vont pas reconnaître que c'est une exacerbation. Alors le médecin doit justement attirer l'attention du patient sur ce point-là et l'aider à s'exprimer, partager le vécu de sa maladie. Interpréter la valeur observée du DLP situé dans les trois ans d'autogestion du traitement, on verra par la suite, que veut dire donc, l'autogestion par plan d'action. Donc ce serait magnifique. De donner, toujours dans le cadre du partenariat, de donner un plan d'action aux patients asthmatiques. C'est-à-dire, c'est quoi un plan d'action? D'abord, on commence par lui donner, donc l'encourager à marquer tous les symptômes qu'il présente, puisqu'on va le revoir que dans 3 mois, tous les symptômes qu'il a présentés durant les 3 mois passés sur un carnet. Première chose, donc, à avoir un carnet, ce qu'on appelle le carnet d'asthmatique. Marquer tous les symptômes qu'il a eus. Du suivi, lors des 3 mois précédents, surtout les 4 semaines précédentes, sur son carnet. Deuxièmement, on doit lui donner un plan d'action, c'est-à-dire comment gérer ses symptômes. Parce que le patient asthmatique participe à sa prise en charge. Ce n'est pas d'automédication, attention, il prend le bêta 2. Donc, dans la prescription, on va lui dire bêta 2 pour durée d'action au cas du symptôme. Ce n'est pas d'automédication, ça ne veut pas dire qu'il peut dépasser une certaine dose. Donc le médecin doit expliquer par un plan écrit, ce qu'on appelle un plan d'action, comment est-ce qu'il va utiliser le traitement que je vous, donc le bêta 2 de l'action, au cas du symptôme de vue, et à quel moment il doit consulter en urgence. Ça s'appelle plan d'action écrit, et ça rentre dans le plan de l'éducation du patient. Donc autogestion par plan d'action, et changement du traitement selon les zones, les 3 zones d'autogestion. Alors c'est quoi les 3 zones d'autogestion? C'est comme les feux, vous pouvez avoir 3 situations différentes. Alors, on va dire au patient asthmatique, quand il a des symptômes aigus, de prendre de façon objective son DEP. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait l'encourager à avoir un débitmètre à la maison. Pourquoi? C'est pour justement gérer les symptômes aigus. Donc, au moment des symptômes, il prend son DEP. Il ne prend pas à la meilleure valeur qu'il a eue, ni à la valeur théorique, toujours. Alors, si la valeur qu'il retrouve est comprise entre 80 et 100% de la valeur attendue, la meilleure valeur de passe sur la valeur théorique, on peut lui dire qu'il ne craint rien, il est dans la zone verte, il n'y a pas de problème. Si la valeur qu'il retrouve est comprise entre 60 et 80%, ça veut dire qu'il fait une bronchoconstriction, qu'il doit prendre son bronchodilatateur pour courte durée d'action. Et bien sûr, avec les conditions. S'il prend plus de 10 à 15 et que ça ne répond pas, ce n'est pas normal, c'est une crise inhabituelle, il faudrait qu'il consulte aux structures d'urgence. Troisième situation, s'il a son DEP à 60%, ça veut dire que c'est grave. C'est des symptômes qui sont graves, ce n'est pas une situation habituelle. Il faudrait qu'il utilise son état de vie, qu'il commence son traitement à la maison, mais qu'il n'attend pas l'amélioration, il faudrait qu'il consulte dans une structure d'urgence. Alors, quel est le calendrier du suivi du patient asthmatique? Alors, le rythme du suivi doit être adapté à chaque cas particulier, donc il n'y a pas un rythme bien défini. Ça dépend des patients, ça dépend de la gravité de la maladie. Alors, devant un asthme bien contrôlé, généralement, on fait un examen clinique. Le suivi donc, consiste à faire un examen clinique. Et un DEP tous les 3 mois. On le revoit. On voit un patient tous les 3 mois, on fait un examen, on fait l'interrogatoire, on recherche les facteurs de risque, on recherche donc l'observance, on recherche les effets secondaires, on recherche les facteurs aggravants, et on mesure le DEP, on examine le patient. Si l'asthme n'est pas contrôlé, l'asthme non contrôlé, vous avez 2 situations, l'asthme particulier. Alors, en cas de corticothérapie orale, c'est-à-dire si vous avez prescrit une corticothérapie orale de courte durée, vous devez revoir votre patient 1 semaine après l'arrêt de la corticothérapie. Il faudrait le revoir 1 semaine après, et en l'absence d'amélioration, un avis spécialisé s'impose. Après réajustement thérapeutique sans corticothérapie orale, donc on fera un examen clinique plus mesure du DMP. Généralement, on raccourcit la durée de suivi à un mois, un mois, mais généralement, on voit le malade un mois. Donc, ça, c'est mon contrôle. Alors, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors de la prise en charge? Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, la première, bien sûr, c'est les conditions socio-économiques. Les médicaments restent inaccessibles aux patients, ceci en fait une mauvaise observance. Pas mal de patients, surtout les sujets des adultes jeunes, n'ont pas de recours, ne travaillent pas, ne sont pas assurés, ne sont pas sociaux, et le recours aux médicaments reste un problème pour ces patients. Le facteur culturel, intervient aussi, la peur de la maladie, la négation. Alors beaucoup de patients, essentiellement du sexe féminin, refusent la maladie. D'ailleurs, refusent le diagnostic d'asthme. Et certains médecins parlent, leur parlent pour que ça soit accepté, le début d'asthme. Alors ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez rencontré cette situation. Il y a certains patients, elles vous disent, bien, vous parlez, un début d'asthme. Ça ne veut rien dire, un début d'asthme. C'est soit de l'asthme, soit qu'on a de l'asthme, soit qu'on n'a pas de l'asthme. Donc peur de la maladie, négation du diagnostic. La peur des dispositifs, surtout l'aérosol doseur et des corticoïdes. Avoir peur des corticoïdes par en général, je suis tout à fait d'accord, parce que là aussi, il y a un problème pour les médecins. Beaucoup de médecins ont la main facile pour la prescription des corticoïdes par voie générale. Et certains patients, bien informés, ont peur aussi des corticoïdes, même des corticoïdes inhalés. Donc vous devez leur expliquer que le passage systémique est faible, qu'il y a des précautions à faire pour l'utilisation des corticoïdes, et que c'est pensé sous surveillance médicale, il n'y a aucun problème. On peut faire, quand le patient est contrôlé, on peut faire une diminution, on peut faire une désescalade du traitement de fond. La mauvaise perception de la maladie par le patient, ça c'est un drame. J'ai dit tout à l'heure que le patient, dans les maladies chroniques, finissent par s'adapter à leurs symptômes, à leur situation, et finissent par négliger. Ils se plaignent plus. Donc quand il vient, comme l'interrogatoire est important, il vient vous voir, il vous dit, vous lui posez la question, est-ce que ça va, il s'habitue à ses symptômes, il dit, tout va bien. Je n'ai pas eu de problème, il ne marque pas sur son carnet. Donc ces malades-là posent un réel problème et vous devez ils relèvent d'une prise en charge particulière. Et en dernier, la sous-estimation de la gravité par le médecin. Ça, c'est le drame. Alors là aussi, c'est toujours la faute du médecin, parce que le médecin doit pallier à tous ces problèmes, il doit les identifier chez le patient, il doit faire face, il doit aider le patient à surmonter tous ces problèmes. Et en dernier, dans certains cas, c'est lié à l'incompétence du médecin. Malheureusement, le médecin ne connaît pas la maladie, il n'a pas posé le bon diagnostic. Il ne connaît pas le contrôle, il ne connaît pas l'évolution, il ne sait pas traiter, et ceci entraîne bien sûr un sous-traitement du patient. Alors, en résumé, quels sont les points clés qu'on doit retenir? On doit retenir que l'asthme est une maladie inflammatoire, d'où nécessité de donner un traitement anti-inflammatoire au long cours, par voie inhalée, donc maladie inflammatoire chronique des voies aériennes, qui provoque des épisodes récurrents de certains symptômes, ce qu'on appelle les symptômes cardinaux de l'asthme. C'est-à-dire sifflement, oppression thoracique, respiration difficile et tout, qui ont des caractéristiques particulières. Vous devez rechercher, pour poser le diagnostic de l'asthme, chez votre patient. Vous devez rechercher ses symptômes, donc vous lui posez des questions pour rechercher les quatre symptômes, et vous devez surtout rechercher leurs caractéristiques pour pouvoir penser à la maladie asthmatique. Que les explorations fonctionnelles respiratoires sont nécessaires au diagnostic de l'asthme, qu'on doit tôt ou tard dans la prise en charge mettre en évidence le TVO. On peut le mettre en évidence de différentes manières, soit à la spirométrie, on doit faire, donc initialement qu'on doit faire lors du suivi, donc le TVO aurait des caractéristiques particulières à la maladie asthmatique, c'est-à-dire qu'il serait réversible, obstruction bronchique réversible, ou bien hyperréactivité dans certains cas particuliers, ou bien chercher la réversibilité à défaut, vous devez rechercher aussi la réversibilité circadienne du TVO, donc chez l'asthmatique est supérieure. Journalière supérieure à 10%. L'asthme aigu reste un événement potentiellement dangereux, surtout l'asthme aigu grave, dont la gravité doit être rapidement évaluée pour permettre une prise en charge thérapeutique, une orientation adaptée aux patients. En dehors de la crise, la prise en charge est fondée sur la notion de contrôle. Donc cette notion de contrôle est très importante. Donc, le niveau de contrôle doit être évalué à chaque consultation. Il y a une histoire qui est très simple, vous avez quatre items, et pour parler de contrôle acceptable, de bon contrôle, il faudrait que les quatre items soient vérifiés. Donc la notion de contrôle de l'asthme est la sévérité et l'intensité du traitement de fond nécessaire pour obtenir et maintenir de manière durable un contrôle acceptable. La base du traitement de fond reste la prescription d'une corticothérapie inhalée, donc vous devez connaître les trois corticoïdes inhalés qui existent en Algérie pour le moment, les différentes doses, dose faible, on peut dire dose faible, dose moyenne, dosement, et les équivalences entre les différentes doses. Et bien sûr, le niveau, les indications selon le niveau, selon le palier de l'asthme. Le contrôle de l'environnement est un paramètre important lors de la prise en charge du MOPEL, qui est donc dissocié du traitement. L'éducation thérapeutique est le troisième pilier et le troisième fondement de la prise en charge. Elle a une place essentielle dans la prise en charge long cours de la maladie, doit être intégrée au suivi du patient. Il faudra retenir en dernier qu'il n'y a pas de traitement continu dans la maladie asthmatique. S'il vous plaît, ne faites pas du renouvellement d'ordonnance. Il y a beaucoup de médecins qui font, lors du suivi du patient asthmatique, un renouvellement d'ordonnance. Ils n'interrogent pas le patient. Il n'examine pas, il n'identifie pas le facteur de risque, il ne le voit pas, ils ne font pas l'éducation, il ne le voit pas utiliser son dispositif d'inhalation. Donc vous devez, lors du suivi d'un patient asthmatique, donc faire tout ça, parce qu'il n'y a pas de traitement continu, sans contrôle régulier de son efficacité, c'est-à-dire le contrôle de base, du besoin du patient et surtout de la tolérance. Tout traitement pris en cours est sujet à donner des effets secondaires. Donc n'oubliez pas aussi les effets secondaires. Alors, est-ce que vous avez quelques questions, s'il vous plaît, avant de commencer? Au cas où. Question de votre camarade, comment on doit-on adapter le traitement chez la femme enceinte? Alors là, c'est chez la femme enceinte. Durant la grossesse, c'est une situation particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénotype particulier. Il peut s'aggraver comme il peut s'améliorer. Généralement, il s'aggrave. Alors durant cette période-là, on doit surveiller de très près la femme enceinte. Et le traitement ne change rien au traitement. On donne le traitement de la même façon qu'on dort de la grossesse. Il faut juste surveiller parce qu'elle peut faire des effets secondaires, elle peut bien sûr éviter les corticoïdes et tout ça, mais la prise en charge est très particulière. Alors l'asthme sévère ou l'asthme instable, c'est lié à la maladie. C'est la maladie, c'est-à-dire au long cours. L'asthme aigu, comme son nom l'indique, c'est l'asthme aigu. C'est au moment de l'exacerbation. C'est la crise. Ça n'a rien à voir. Quand on parle d'asthme, c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Pour connaître la différence entre les deux états, j'ai montré la courbe au début, et je vous ai dit que la maladie asthmatique, l'asthmatique passe par trois états différents. Vous avez le pic, c'est la phase aiguë, c'est l'asthme aigu. Et dans l'asthme aigu, vous avez une classification aussi, de la crise légère jusqu'à l'arrêt respiratoire imminent. Et vous avez l'asthme aigu grave qui correspond à une crise sévère qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Dans la maladie asthmatique, c'est-à-dire avec la SAP, ça c'est la maladie, c'est le long cours. C'est en dehors de la crise. Dans la maladie, on a différents types, différents phénotypes d'asthme. Bon. On peut passer à la clinique. Oui. Moi, quand tu reprends. Alors, la maladie de Vidal, la triade de Vidal, qui comprend une forme clinique particulière, une polypose nasale, associée à un asthme instable, difficile, sévère, qui ne répond pas au traitement. C'est la particularité. Ça dépend. Pédalgomotique, antilocotrienne, il y a beaucoup de choses qu'on donne, et qui est associée à une intolérance à l'aspirine. Donc, dans la prise en charge, on préconise aux patients de ne pas prendre les anti-inflammatoires antibiotiques. On peut traiter la polypose nasale qui risque de récidiver quand ça devient vraiment invalidant. On peut traiter chez l'ORL dans un traitement chirurgical. Et pour la prise en charge de l'asthme, ça va rejoindre les autres asthmes. Vous allez le prendre comme un asthme, vous allez faire le réajustement, vous allez vous y aller jusqu'au dernier palier selon la réponse des enfants. Il est difficile, c'est un asthme difficile, c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que l'asthme difficile, l'asthme instable, est une entité particulière. Peut-être avec DEP, je pense que je vais assez démontrer, non? Le débit, la mesure du débit expiratoire de pointe est très importante, surtout lors du suivi. ce qui est permis au moment du diagnostic aussi. Au moment du diagnostic. Non, il ne peut pas. C'est-à-dire au moment du diagnostic, il ne rentre pas, c'est surtout la variabilité. Parce que généralement, le DEP correspond au BMS. Le débit expiratoire de pointe, c'est un petit BMS. Alors on vous demande de comment faire le DEP, bien respirer, de souffler de façon rapide dans le petit appareil-là et d'aller déplacer le curseur. Donc c'est l'équivalent du BMS. C'est le grosse voix, crachée et grosse voix. Et la maladie l'asthme, c'est une maladie qui peut être voix. Donc déjà à l'instant, on peut trouver, on peut le faire, le DVO est difficile à mettre en évidence dans la maladie asthmatique. Pourquoi? Parce que le typhon correspond à la tête des grosses voix. Donc vous pouvez ne pas avoir de DVO. Sans Sacha Regina, vous préconise de faire des EFR de façon répétée et surtout de chercher la variabilité. Je dis que la variabilité circadienne dans la journée, ce serait intéressant de mesurer le DEP le matin, le soir, et dans la journée à différents moments, pour voir s'il y a une variabilité qui se fait à 10%. Si vous avez cette notion-là, vous pouvez dire que bien sûr, et oui, la variabilité, c'est mesuré par le DEP. C'est mesuré par le DEP. Mais on doit faire la spirométrie. Elle est essentielle, elle est importante. Parce que la spirométrie permet de mesurer la réelle cellule. Allez, on va commencer. Une dernière question. S'il vous plaît, votre camarade me demande, sur la BPCO, rencontre pratique chronique obstructive, justement dans certaines situations, le diagnostic est difficile. Mais de façon générale, la BPCO c'est autre chose, diamétralement opposé à l'asthme. Il y a de l'inflammation qui fait intervenir notre cellule, la symptomatologie est différente, donc on a essentiellement, ça commence par une bronchite chez un sujet tabagique, donc il y a un facteur tabac. J'ai une donc, tout expectoration qui survient durant 2 à 3 mois, 2 années consécutives, suivi de dyspnée. Donc vous aurez à la spirométrie un TBO qui sera fixé, on n'a pas de réversibilité, dans la forme classique, dans le type de prescription classique générale, vous aurez un trouble ventilateur obstructif qui est fixé et vous avez un apothémique différent de sur le plan clinique, fonctionnel, etc. Dans certains cas, le diagnostic est difficile parce qu'il y a le chevauchement et ce qu'on appelle les arcos. Et dans ces cas-là, il faudra différer le patient et l'envoyer chez le médecin spécialiste. On commence le cas clinique, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste pas. Donc, alors vous avez une patiente, vous avez une patiente âgée de 30 ans, femme au foyer, qui consulte pour aggravation de son asthme. Donc, elle est asthmatique depuis l'enfance. L'interrogatoire précise l'existence d'un terrain atopique familial et personnel évident. Il s'agit d'un asthme allergique à dyspnée paroxystique apparu dans l'enfance et pour lequel les tentatives de désensibilisation à la poussière de maison et aux pollens des graminées se sont révélées être des échecs. Alors, mais depuis un mois, au décours d'un épisode de surinfection en Chine, cette femme présente des symptômes plus fréquents, à raison d'un symptôme par semaine environ, survenant dans la journée au cours de la nuit. Alors, devant cette aggravation, elle a consulté un clinicien, comme vous dites, il lui a été prescrit le traitement suivant. Alors, on lui a donné de l'amoxicilline à 3 grammes par jour, du salbutamol aérosol 2 heures, c'est-à-dire une bouffée 4 fois par jour, du formoterol, c'est-à-dire coradine, 12 microgrammes de gélules inhalées par jour. À l'examen physique, on retrouve un bon état général, l'absence de cyanose, le trouble de la conscience, le trouble de l'élocution. La fréquence respiratoire est à 26 minutes, la fréquence cardiaque à 70, la tension artérielle à 120-70, température 37, ILC à 33,7 kg/m². À l'auscultation, présence de quelques râles sibilants, deux hémithorax, le DEP est à 80% de la valeur théorique. Le reste de l'examen clinique est normal. Alors, première question, quel est l'élément qui manque dans cette observation et qui est nécessaire à l'élaboration du protocole de prise en charge thérapeutique de cette patiente? En deuxième point, commenter le traitement qui lui a été prescrit. Donc je vais revenir à l'observation. Quel est l'élément qui manque dans l'observation qui est nécessaire à l'élaboration du protocole thérapeutique chez cette patiente? Deuxièmement, vous devez donner un commentaire concernant le traitement qui lui a été prescrit par le médecin. Votre camarade, Alors, quel est l'élément qui manque? Votre camarade parle du suivi. Le suivi, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour le suivi? Qui c'est qui peut me donner une autre réponse? Vous êtes d'accord avec elle? Alors elle dit le contrôle, c'est-à-dire que vous devez poser la question à la personne, c'est elle qui va vous dire le niveau de contrôle, c'est ça? Vous lui posez des questions concernant ce qu'elle est contrôlée ou pas? Hein? C'est qui? Vous l'avez dit dans l'observation. Depuis. Un mois, au décours d'un épisode de surinfection bronchique, cette femme présente des symptômes plus fréquents. Elle présente des symptômes plus fréquents. Un par semaine environ, survenant dans la journée ou au cours de la nuit. Il y a un élément qui manque. Lequel? Très bien. C'est le traitement de fond. C'est le traitement de fond pour réajuster. Alors ici, on peut, donc là, d'emblée, quand on voit ça, ça veut dire que c'est une patiente qui avait un traitement, mais depuis un mois, elle présente des symptômes. Donc déjà, là, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport au contrôle de la maladie? Il n'est pas contrôlé. Il y a des symptômes le soir. On avait dit qu'il suffit de l'avoir un seul week-end pour dire que la maladie n'est pas contrôlée. Cette patiente présente des symptômes fréquents dans la journée au cours de la nuit. Il y a un réveil nocturne. Ça veut dire que sa maladie n'est pas contrôlée. Là, ce n'est pas contrôlé. Mais pour changer, pour faire le réajustement, on va trouver le traitement de fond. Parce que le réajustement se fait selon le tableau d'Hygina et selon le panier de traitement de fond. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va répondre. Donc voilà la partie qui manque en bas. Alors, jusqu'à une date récente, la patiente était peu gênée par sa maladie, avec environ une crise légère tous les 6 mois. Donc, elle avait une crise légère tous les 6 mois, réversible après 2 bouteilles de salbutamol, elle ressort aux heures ventolées. C'est-à-dire qu'en traitement de fond, elle n'avait aucun traitement de fond. Parce qu'elle n'était pas gênée, elle ne prenait que les bronchodilatateurs de courte durée d'action à la demande. Alors, comment est le traitement qui lui a été prescrit? Donner un commentaire concernant le traitement qui lui a été prescrit. Donc elle était sous salbutamol à la demande, elle n'avait pas de traitement de fond, et depuis un mois elle présente des signes, donc des symptômes, on arrive à la conclusion que son asthme n'est pas contrôlé. Et voilà ce que le médecin lui a prescrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec la prescription? Il lui a donné de l'amoxicilline, il lui a donné du salbutamol, redonné du salbutamol au centre de l'heure, il a donné du formoterol. C'est quoi le formoterol? C'est un bronchodilatateur de longue durée d'action. Voilà ce qu'il a donné comme traitement. Êtes-vous d'accord avec ce traitement? Non. Pourquoi? Très bien. On n'est pas d'accord parce que pour changer, donc voilà, on a réajusté. Donc dans ce cas-là, quelle serait votre prescription thérapeutique au terme de cette consultation? Vous pouvez argumenter votre attitude et rédiger l'ordonnance. Vous, qu'est-ce que vous allez donner à cette patiente? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a prescrit? Alors, qui c'est qui peut parler? Oui? Alors, comment vous devez changer? L'asthme n'est pas contrôlé, vous devez changer. C'est ça l'argument. Donc, argumenter, parce qu'on avait dit qu'on fait. À chaque consultation, on fait un niveau de contrôle. Si l'asthme n'est pas contrôlé, on doit changer, on doit augmenter. Augmenter selon quoi? Selon les différents paliers. Donc, vous connaissez pas les paliers. Donc, je vais vous donner le tableau. Donc, l'asthme n'est pas contrôlé. Vous vous rappelez tout à l'heure, il suffit d'avoir un des quatre items du non-contrôle pour dire que l'asthme n'est pas contrôlé. Et on doit changer, bien sûr, selon le tableau de réajustement. Notre patiente n'avait aucun traitement de fond. Donc si je dois augmenter, je vais m'arrêter au palier 1, je dois lui donner le traitement du palier 2. Donc je vais donner, j'ai le choix entre 3 propositions. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre la proposition qui était assurée. Donc je dois mettre la malade sous corticostéroïde à faible dose. C'est clair? Est-ce que c'est clair si vous faites quelque chose? Vous n'avez pas de questions jusque-là? Donc, en consultation, on revoit la patiente. La première des choses qu'on doit faire, c'est vérifier le niveau de contrôle par les ambulatoires. C'est simple. Alors, on vérifie le niveau de contrôle. L'asthme est bien contrôlé, contrairement. contraire, on propose, on envisage de faire une désescalade, de revenir en arrière, toujours selon le tableau de réajustement. Là, ce n'est pas bien contrôlé, il faudra augmenter pour intensifier le traitement, il faut y aller vers l'avant. Et pour le faire, on a besoin de connaître le traitement de fond de la patiente. C'est ce qui manquait dans notre patient. Alors, troisième question. En plus des médicaments, que préconisez-vous pour cette maladie? Vous êtes qui peut répondre? Réfléchissez, je reviens à l'observation. Il y a l'allergie. Deux choses. On a l'allergie et on a l'obésité. On avait dit que dans, en plus du traitement médicamenteux, les quatre piliers de la prise en charge, il y avait le traitement médicamenteux qu'on devait prendre, bien prendre, observer, dans le rythme de l'observance, l'efficacité, les effets secondaires. Deuxième point, il y avait le contrôle de l'environnement. Elle a un problème d'allergie, parce que c'est un asthme allergique, donc on doit s'acharner à faire l'éviction allergénique. Et troisième point, identifier les facteurs de risque. Elle a un facteur de risque important, c'est l'obésité. Vous avez vu l'IMC, c'est une obésité modérée, elle a un IMC à 33,7, donc vous devez prendre en charge cette obésité parce que c'est un facteur aggravant. Donc le contrôle de l'environnement par l'éviction allergénique, éviter les facteurs de risque d'exacerbation, notamment l'obésité, faire l'éducation thérapeutique de la patiente. C'est ce qu'on appelle les traitements non pharmacologiques. En pharmacologie, donc le contrôle d'environnement, l'éducation, donc lui donner un plan d'action pour la gestion des symptômes aigus, apprentissage des techniques d'inhalation et l'encourager à avoir un carnet, un débit expiratoire de pointe qui est un carnet asthmatique où elle va mentionner, elle va marquer tous les symptômes qu'elle a. Alors pour l'éducation, donc voici comment on utilise donc de l'aérosol doseur. Donc le premier temps, je vous ai dit que l'aérosol doseur avait des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que sur l'utilisation est difficile, on a besoin d'une coordination en pleine bouche. Et l'avantage, c'est qu'il ne coûte pas cher. C'est le moins cher des dispositifs d'inhalation. Donc, en premier, il faudra, pour gagner du temps, ça se fait, donc l'inspiration et l'expiration, c'est très rapide. Et le produit doit passer dans l'inspiration, au moment de l'inspiration. Donc, pour gagner du temps, on va dire au patient, on va enlever le capuchon, agiter le flacon. Et il faudrait que la main et la bouche travaillent en même temps. Donc, premier temps, 1 et 2, ça se fait en même temps. Enlever le capuchon et agiter le flacon, expirer au maximum. Donc, voilà ce que fait le patient. Il enlève le capuchon, il agite le dispositif, il expire en même temps. C'est ce qu'on appelle la coordination main-bouche. Donc la main et la bouche travaillent en même temps. Donc c'est rapide, l'expiration, c'est rapide. Donc, alors, expirer au maximum. Et puis, deuxième temps, les deux. Donc là aussi, la main et la bouche vont travailler ensemble. Deuxième temps, porter la bouche et en retournant le flacon tête en bas. Donc, puis fermer la bouche hermétiquement autour de l'embouille. Donc la main, la bouche inspire et la main appuie. Deuxième temps, la bouche inspire et la main appuie. C'est deuxième temps de coordination. Et bien sûr, porter sa respiration 15 à 10 secondes après la fin de respiration. Ainsi, sur une parfaite coordination, le geste déclenche. La libération du produit, l'inspiration lente et profonde permet d'absorber la dose fournie des deux avant. Alors, quand on a un problème de synchronisation de la main et de la bouche, on doit utiliser ce qu'on appelle la chambre d'inhalation. Alors, la chambre d'inhalation, si le patient peut s'acheter la chambre sébalique, s'il ne peut pas s'acheter une chambre d'inhalation, peut utiliser une bouteille d'eau minérale. La bouteille d'Asaïda, vous la trouvez d'un côté, là où vous mettez dans vos dispositifs. Et le patient respire par le bout de la bouteille. Donc, le système interposé entre la bouche du patient et l'aérosol doseur permet une meilleure déposition dans les petites voies aériennes, une diminution du dépôt au pharyngé, en ralentissant les particules, en favorisant l'évaporation du gaz. Un autre dispositif, c'est le turbo à l'air. Donc, le turbo à l'air, c'est un dispositif qui est amélioré, qui n'a pas besoin de faire coordonner la main et la bouche, mais qui coûte bien sûr plus cher que l'aérosol doseur. Donc, on vous demande d'actionner la molette, donc dans les deux sens, mais surtout faire juste une respiration. puis actionner la tablette dans les deux sens, jusqu'à entendre le bruit et inspirer le produit. L'aéroliseur, la même chose, donc c'est un dispositif qu'on va l'ouvrir, qui nous permet de voir le médicament, qu'on va mettre sous forme de poudre séchée se trouvant dans une gélule, qu'on va mettre dans le dispositif, on le ferme, puis on va appuyer sur le côté pour trouver la gélule et inspirer par la suite. Alors l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on peut voir le médicament, on peut voir la gélule vide après l'utilisation. Quatrième question. La patiente est très angoissée par son asthme et dit elle-même abuser volontiers du salbutamol aérosol d'ozone. Que lui conseillez-vous afin de différencier le crise d'angoisse et le crise dysphorique et de savoir ainsi quand est-ce qu'il faudra prendre une bouteille de salbutamol et quand est-ce que cela est inutile. C'est la fameuse zone d'autogestion. Donc quand elle a des symptômes, puisqu'elle ne sait pas, elle est dans un peu, on va lui demander de mesurer son TEP et de se situer dans les trois zones d'autogestion. Si on est en 17 ans, son DEP est compris entre 80 et 100%, ça veut dire que c'est l'angoisse. Si on est en 17 ans, son DEP est inférieur à 80%, ça veut dire que c'est l'angoisse. Alors, vous la revoyez en consultation de 3 mois plus tard. La symptomatologie respiratoire s'est considérablement améliorée. La patiente accuse au maximum du tout avec compression thoracique. Une fois par mois, avec absence totale de réveil nocturne, son DEP est à 400 minutes, le phéocyte à 500, quelle thérapeutique vous préférez-vous? Garde. On diminue progressivement. On ne va pas diminuer de façon brutale, la musique, il fallait toujours. Là, il y a l'aspect contrôlé, donc on prévoit les escalades. On prévoit les escalades, on va garder le traitement, donc généralement on diminue, mais on est par palier progressif. C'est une sécurité constante. Donc il faut toujours réajuster le traitement et ne pas garder les mêmes médicaments. Donc là aussi, on va revenir, elle était dans le palier 2, elle était sous corticostéroïde faible dose. On peut réduire les doses par palier 27 à 50%. Jusqu'à les lui enlever complètement, et bien sûr progressivement et de façon lente. C'est une sécurité qu'on soit là. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez?